Palestine. Combat perdu. Abat les Russes. Abat les Russes. Les Arabes et les Juifs feraient mieux de s'enculer. Ni les pédés. À nous les plages de Beyrouth. Israël en déroute. Et les chrétiens crucifiés. Les Arabes victorieux boiront le sang des Juifs. Ah, c'est parfait. C'est parfait. Abat les Russes. Mort aux Juifs et mort aux Arabes. Laissez-les s'enculer entre eux. Pédéminés. À nous les plages de Beyrouth. Israël en déroute et les chrétiens crucifiés. C'est parfait, oui. C'est parfait. Abat les Russes. Abat les Russes. Non, juifs et morts aux Arabes. Les camps de réfugiés pour les pédés. La fosse commune pour les drogués. Ah, c'est parfait. C'est parfait. Palestine, combat perdu.